إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc comme j'expliquais, aujourd'hui notre dars c'est au sujet de Al-Iman, Ad-Dars Al-Khamis, c'est le cours numéro 5 dans la série des cours du livre Durus min al-Qur'an al-Karim, dans le livre du Cheikh Saleh Al-Fawzan. Et aujourd'hui on est arrivé dans le chapitre qui dit Al-Iman fi al-Qur'an, la foi dans le Qur'an al-Karim. Donc le Cheikh il commence en expliquant premièrement les degrés de la foi ou les degrés de la religion. Il dit tamhidun fi bayani maratib ad-din, une introduction en ce qui concerne l'explication des degrés de la religion. Donc le cheikh il dit al-islam wal iman wal ihsan maratib lid-din kama bayyanaha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. والمرتبة الأولى الإسلام وله خمسة أركان وقد تقدم بيانها بالتفصيل. المرتبة الثانية الإيمان وله ستة أركان وهي مذكورة في القرآن الكريم في آيات كثيرة. والمرتبة الثالثة وهي أعلاها الإحسان كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام لما سأله عن هذه المراتب الثلاث بينها واحدة واحدة. Donc le Cheikh il dit que l'islam et l'iman et l'ihsan sont les degrés de la religion, comme le prophète صلى الله عليه وسلم les a expliqués. Le premier degré, c'est le degré de l'islam et il a cinq piliers et on les a expliqués en détail dans le chapitre précédent. Deuxièmement, le deuxième degré, c'est Al-Iman. Et Al-Iman, c'est-à-dire la foi. Et il a six piliers. Et elles sont mentionnées dans le Coran et dans plusieurs versets, yani, dans le Coran. Ensuite, le Cheikh, il dit comme troisième degré, et il dit que c'est le plus haut degré, c'est Al-Ihsan. Et c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a expliqué dans le hadith de Jibril, lorsque Jibril est venu et lui a demandé au sujet des degrés de la religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expliqués une à une, c'est-à-dire a expliqué ces degrés-là un après l'autre. Et bien entendu, Al-Ihsan, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est comme que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu pouvais le voir, et si tu n'arrives pas, et si tu n'es pas capable de le voir, eh bien, lui, il te voit. C'est-à-dire, tu restes conscient que lui, il te voit à chaque instant et à chaque moment. Donc, ça, c'est la première partie que le cheikh explique. Ensuite, il commence et il dit, ta'riful iman, la définition de Al-Iman. الإيمان في اللغة العربية معناه التصديق أي التصديق بالإخبار عن شيء غائب ويكون معه un i'timan lil mukhbir. أي يكون المصدق قد أمن المصدق فيما أخبر. Donc le cheikh il dit que la foi dans la langue arabe, une définition linguistique, c'est at-tasdiq, c'est-à-dire de yani déclarer quelque chose comme étant vrai ou de croire en quelque chose. Et le cheikh il dit que at-tasdiq c'est التصديق بالإخبار عن شيء غائب ويكون معه يعني c'est comme si par exemple je t'informe. التصديق c'est quoi? C'est comme si on t'informe de quelque chose qui est absent, qui est pas là, que tu peux pas voir, et que avec cette information là il y a une certaine confiance, yani dans le sens que tu acceptes et tu crois en l'information qui t'est donnée malgré que tu l'as pas vue. Ça c'est ce qu'on peut appeler tasdiq, hein, et c'est la définition linguistique du mot iman. Et le cheikh il dit que la personne qui accepte ou qui reconnaît qui accepte de dire ou de croire en l'information que la personne lui donne, c'est comme si elle lui fait confiance. C'est comme si elle lui fait confiance dans ce qu'elle lui donne comme information. Donc c'est de là que vient le sens de iman, hein, amin al musaddiq. C'est pour ça que le cheikh il dit ay yakunu al musaddiqu qad amina al musaddaq fima akhbara bihi. Donc amina, c'est-à-dire il lui a fait confiance, hein, il a été en sécurité vis-à-vis de l'information, c'est-à-dire son cœur est en paix vis-à-vis de cette information-là, il y a cru. Après il dit amma al-iman fi al-shar'i fa huwa al-qawl bil-lisan wa al-tasdiq bil-qalb wa al-amal bil-jawarih yazid bil-ta'a wa yanqus bil-ma'siyah falaysa huwa mujarrad al-tasdiq kama huwa fi al-lugha. Donc le cheikh il dit que en ce qui concerne la foi, dans la définition selon la révélation, selon la charia, le cheikh il dit que c'est une parole avec la langue. Donc la foi consiste en déclarer quelque chose ou dire quelque chose avec la langue, croire à quelque chose avec notre cœur, agir avec notre corps, et que cette foi-là, elle augmente avec les actes d'obéissance et elle diminue avec les péchés et les désobéissances qu'on peut faire. Donc, le cheikh il dit qu'on doit comprendre donc que al-iman, lorsqu'on parle de la définition selon la révélation, selon la charia, elle dépasse la simple définition linguistique de tasdiq. C'est-à-dire, dans le sens de la religion musulmane, quand on dit iman, c'est plus que la définition linguistique. Parce qu'on a dit que la définition linguistique, c'est de reconnaître ou de dire que quelque chose est vrai lorsqu'on l'entend. C'est ça, tasdiq. T'entends une information, tu dis oui, j'y crois, elle est vraie. Tandis que dans la religion, dans shara, eh ben c'est une parole avec la langue, de croire, hein, de l'accepter ou de reconnaître sa véracité avec le cœur et d'agir en accord avec par notre corps, de le mettre en application par notre corps, et elle augmente avec l'obéissance, elle diminue avec les péchés. Après le cheikh il dit والذين يقولون الايمان هو التصديق فقط هم المرجئه وهؤلاء غالطون فالايمان في الشرع يتكون من هذه الامور الماخوذه من الادله وليس هو تعريفا اصطلاحيا او فكريا وانما هو ماخوذ من الادله مستقرا منها. Donc le cheikh il explique et il dit que ceux qui prétendent que la foi dans l'islam c'est uniquement de reconnaître ou d'accepter la véracité de d'une information at-tasdiq uniquement, eh ben ça ce sont les murji'a. Ça c'est une secte parmi les sectes déviées parmi les musulmans, d'accord. Et le cheikh il dit que ceux-là sont dans l'erreur. Il dit parce que dans la charia, la foi est composée des choses qu'on a mentionnées selon les preuves du Coran et de la Sunna. Et c'est donc pas une simple définition terminologique que les savants ont déterminée par convention ou par pensée ou idéologie, mais c'est tiré directement des textes et des preuves du Coran et de la Sunna. Et donc c'est comme une lecture, un genre de lecture des preuves qui a amené cette définition là du terme al-iman. Donc le cheikh il continue et il dit wa ma'na al-qawl bil lisan an yantaq bi lisanihi bi shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah yantaq bi dhalika wa yu'lin bihi. Donc le cheikh il dit que la signification, lorsqu'on dit que la foi c'est une parole avec la langue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on parle, on prononce avec notre langue le shahada de Muhammad Rasulullah, de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. C'est l'aspect qui est la foi qui est dit avec la langue, ou qui fait l'aspect de la foi qui est inclus par la langue. Lorsqu'on dit que al-iman qawlun bil lisan, c'est ce que ça veut dire. Une parole avec la langue, c'est de déclarer le shahada. Shahadatayn. Et le cheikh il dit yantaqu bi dhalika wa yu'linu bihi. Donc tu dois le prononcer et tu le déclares, tu le fais connaître ouvertement que tu as témoigné en ce témoignage-là. Et il dit ensuite wa yadkhulu fihi aydan كل ما ينطق به اللسان من العبادات القولية. Et également dans cette قول باللسان, dans cette parole avec la langue qui fait partie de la foi, entre également ou fait, est inclus également toutes les paroles qui sont prononcées par la langue et qui font partie des adorations verbales, d'accord. Comme par exemple le cheikh il mentionne quatre tasbih والتهليل وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل هذا كله قول باللسان وهو إيمان. Donc le cheikh il dit comme le tasbih, comme tu dis subhanallah, التهليل, tu dis la ilaha illallah, تلاوة القرآن, c'est-à-dire tu récites le Coran, ذكر الله, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit tout ça c'est des paroles avec la langue et tout ça, ça fait partie de la foi, et c'est une forme de foi. D'accord? Après, le cheikh il dit وَهُوَ كَذَلِكَ اَعْتِقَادٌ بِالْقَلْبِ فَلَا يَكْفِي أَن نُطْقُ بِاللِّسَانِ فَإِنْ كَانَ يَنْطِقُ بِلِسَانِهِ وَلَا يَعْتَقِدُ بِقَلْبِهِ فَهَذَا الْإِيمَانُ إِيمَانُ الْمُنَافِقِينَ فَهَذَا إِيمَانُ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Donc le cheikh il dit que il faut également que la croyance soit dans le cœur. C'est pas suffisant de juste prononcer la foi avec la langue et de déclarer le shahada avec la langue. Il faut également yani, le prononcer avec la langue et y croire avec notre cœur. Et c'est comme, et sinon, hein, si on dit par exemple avec notre langue qu'on a la foi et qu'on prononce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, mais que dans notre cœur on n'y croit pas, et bien ça c'est la foi des munafiqin, ceux qui disent avec leur langue ce qu'ils n'ont pas dans leur cœur. Et le cheikh il dit wa kadhalika man saddaqa bi qalbihi wa lam yantiq bi lisanihi fa hadha laysa bi mu'min. Le cheikh il dit également que la personne qui a cru avec son cœur mais qui n'a pas prononcé le témoignage de foi avec sa langue, il n'est pas non plus un mu'min, il n'est pas considéré comme un croyant. لأن المشركين والكفار يعتقدون بقلوبهم صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام لكن أبوا أن ينطقوا بألسنتهم لغرض من الأغراض. Donc le cheikh il dit pourquoi c'est pas suffisant de juste croire avec le cœur sans prononcer avec la langue, Eh bien, c'est parce que même les mouchriquines et les koufars, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils reconnaissaient au fond de leur cœur, et ils croyaient avec leur cœur que les messagers étaient véridiques. Mais ils ont refusé de prononcer le témoignage avec leur langue pour un intérêt parmi les intérêts de la dunya. Le cheikh il dit, « Imma li hamiyatin ala dinihim kama amara rasoulu » صلى الله عليه وسلم كفار قريش أن يقولوا لا إله إلا الله فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا فهم أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله ويشهدوا بها حمية لدينهم وعبادتهم للأوثان. Donc le cheikh il dit que peu importe l'intérêt pour lequel ces gens-là ont refusé de le prononcer avec la langue, que ce soit par attachement fanatique ou yani attachement fanatique à leur religion païenne ou à leur shirk, comme par exemple lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux gens de Quraysh, les kuffars de Quraysh, de dire la ilaha illallah, eux les kuffars ont répondu aj'al al-alihata ilahan wahida. Dans Sourate Sad, le verset 5, on dit, est-ce qu'il a fait de toutes nos divinités une divinité unique? Hein? Ils ont trouvé ça étonnant. Donc, ils ont refusé de dire la ilaha illallah et de témoigner de la ilaha illallah par attachement à leur religion et à l'adoration de leurs idoles. Donc, le cheikh il dit, فالتصديق بالقلب بدون نطق اللسان لا يكفي وليس هو الإيمان وإنما هذا عند المرجئة والمرجئة طائفة مخالفة لأهل السنة والجماعة لا عبرة بقولها. Donc le cheikh il dit donc التصديق avec le cœur de croire en quelque chose avec notre cœur et de reconnaître la véracité de quelque chose dans notre cœur, c'est pas sans le prononcer avec la langue, c'est pas suffisant. Hein? Tu peux pas juste dire je crois avec mon cœur puis je le prononce pas avec ma langue. Le cheikh il dit, et c'est pas ça la foi. C'est pas la foi, c'est pas juste de dire je crois mais et tu refuses de prononcer le shahadatain. Parce que il dit ça c'est uniquement une foi selon les murji'a. Et les murji'a, c'est une secte qui est contraire au principe de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et donc, on ne tient même pas compte de leur position et de leurs paroles. Le cheikh il dit, وَكَذَلِكَ مَنْ نَطَقَ بِلِسَانِهِ وَصَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَعْمَلْ بِجَوَارِحِهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ إِلَّا عِنْدَ الْمُرْجِئَةِ أَيْضًا. Donc, le cheikh il dit, de la même façon que, également, on peut dire que la personne qui parle ou qui prononce la foi avec sa langue, et qui reconnaît de la véracité de cette foi dans son cœur quand il prononce le shahada, et qui n'agit pas en conséquence avec son corps, alors il ne fait pas partie des croyants, il n'est pas croyant, et il est considéré croyant uniquement par les murji'a également. Donc c'est uniquement les murji'a qui les considèrent, eux, comme étant des croyants. لأن بعض المرجئة وهم مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو القول باللسان والتصديق بالقلب ولا يدخلون أعمال الجوارح في الإيمان. Donc le cheikh il dit parce qu'il y a certains parmi les groupes de murji'a qu'on appelle les murji'a des fuqaha, c'est-à-dire les savants du fiqh, qui ont été atteints d'un aspect de cette bid'a, la bid'a du murji'a, ils disent que la foi c'est une parole avec la langue et c'est une foi avec le cœur. Mais ils refusent d'inclure les actions du corps dans la définition de la foi. Donc le cheikh il dit maintenant wal murji'atu arba'u firaq. Al murji'atu arba'u firaq. Les murji'a sont quatre groupes, quatre divisions ou quatre groupes différents. Le premier, le cheikh il dit, firqatun yaquluna al-iman huwa al-qawl bil-lisan faqat wa ha'ula humul karamiyya. Naam, donc ça c'est une des sectes parmi les Mourdiyas qu'on appelle Al-Karramiyya ou Al-Kurramiyya. Et eux, ils disent quoi? Ils disent que la foi c'est uniquement une prononciation ou de déclarer la foi avec la langue. Donc si tu prononces la foi avec ta langue, selon ces gens-là, tu es mu'min. Donc selon eux, les munafiqoun sont des mu'minoun, sont des croyants. Les munafiqin, les gens qui sont hypocrites dans la foi, eux ils les considèrent comme étant des mu'minin parce qu'ils ont déclaré la foi avec la langue. Le deuxième groupe, le cheikh il dit firqatun يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط ولو لم ينطق وهذا هو القول الأشاعرة. Un autre groupe, ils disent que la foi c'est le tasdiq avec le cœur, c'est juste de reconnaître la véracité du message ou de quelque chose, du shahada par exemple, dans notre cœur ou avec notre cœur seulement, sans qu'on le prononce et sans qu'on agisse en accord avec ce shahada-là, même avec notre corps et avec la langue. Donc ça veut dire que pour eux, si tu crois dans ton cœur, même si tu prononces pas le shahada, et même si tu n'agis pas en accord avec ce shahada, tu es considéré comme étant un mu'min selon Al-Asha'ira. Et c'est donc le deuxième groupe mentionné par rapport au Murji'a. C'est la deuxième catégorie des Murji'a. Et là, quand vous comprenez ça, vous comprenez maintenant la position de plusieurs parmi les gens de Bid'a qui sont bien connus maintenant dans le monde musulman, comme par exemple certains shuyukh de l'Azhar et tout ça qui ont gradué de là-bas, qui ont des tendances soufiyas et qui ont dans leur aqida de la sha'ira, eh bien ils considèrent tout le monde justement, même s'ils font des actes de shirk parfois ou des choses de ce genre, ils ne vont pas les considérer comme étant des mushrikines et des kuffars, parce que justement ils ont l'idée que depuis que tu crois avec ton cœur, eh bien c'est suffisant, même si tu contredis ton shahada par une parole ou par des actions, c'est pas grave. Ils prétendent ces gens-là des choses vraiment graves. Après le cheikh il dit wa firqatun yaquluna al iman mujarrad al ma'rifa. Ceux qui disent que l'iman c'est uniquement une connaissance. Pour eux, ils disent que la foi c'est uniquement une connaissance, et ça c'est le troisième groupe. Ma'rifatun bil qalb, mujarrad al ma'rifati bil qalb walau lam yusaddiq, même si la personne n'y a pas cru. Ça c'est un autre groupe et c'est une position assez extrême. Et le cheikh dit فإذا عرف بقلبه ولو لم يصدق فإنه مؤمن وهو قول الجهمية وهم شر فرق المرجئة. Donc le cheikh il dit que ces gens-là ils disent quoi? Ils disent que la foi c'est juste de connaître avec ton cœur, de connaître Allah avec ton cœur, même si tu n'y crois pas. Et pour eux, si tu as connu quelque chose avec ton cœur, comme si tu as connu Allah subhanahu wa ta'ala soi-disant avec ton cœur et que tu n'y as pas cru, même si tu n'y crois pas, eh bien tu es considéré comme étant un mu'min. Et ça c'est la position des Jahmiyyah, et ce sont les pires parmi les sectes des Murji'a. Et ils sont kuffars bien entendu. Les Jahmiyyah ont été déclarés kuffars par la majorité des imams d'Ahl-Sunnah. Naam. Et il y a plus que 500 imams de Ahl Sunnah les ont déclarés kuffar, parmi les salafs bien entendu. Après, donc ces gens-là ils considèrent que Iblis est un mu'min, que Pharaon est un mu'min. Donc c'est des gens vraiment déviés, parce qu'ils disent que depuis que tu connais Dieu, eh ben tu es mu'min, même si tu ne déclares pas croire en qu'est-ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala en entier. Après, le cheikh il dit comme quatrième groupe, الذين يقولون هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب وهؤلاء أخف فرق المرجئة ولهذا يسمون مرجئة الفقهاء. Donc il dit que le quatrième parmi les groupes des murji'a, c'est le groupe qui disent que la foi c'est une parole avec la langue et une croyance avec le cœur. Et ceux-là, c'est le moins pire parmi les sectes des Murji'a, et on les appelle Murji'atul Fuqaha, parce que il y a beaucoup de Fuqaha, comme en particulier les Ahnaf, c'est eux qui sont considérés comme étant Murji'atul Fuqaha, mais pas les Ahnaf en entier, parce qu'on sait que parmi eux, il y en a beaucoup maintenant qui sont Maturidiyya, ou bien qui sont Asha'ira, donc ceux-là sont parmi les groupes qu'on a mentionnés tout à l'heure. Ils disent que l'iman huwa at-tasdiq, hein, et yani c'est plutôt Abu Hanifa qui avait cette position là, plutôt Abu Hanifa qui avait cette position là. Et le cheikh il dit amma jumhur ahl as-sunnati wal jamaa fa innahu la budda min hadhihi al-haqa'iq fi al-iman. Donc le cheikh il dit que la majorité des gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, hein, eh ben, la majorité des gens de Ahl al-Sunnah wal Jama'a, ils disent qu'il faut qu'on réunisse dans al-Iman les choses qu'on a mentionnées tout à l'heure. Que comme le Cheikh il dit, qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc le cheikh il dit que c'est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, une action avec le corps, elle augmente avec l'obéissance et elle diminue avec le péché, avec la désobéissance. Et ça c'est la définition de la foi selon Ahl al-Sunnah wal Jama'a. Et il faut avoir cette aqidah là pour être sauvé de l'égarement des Murji'a. Et en passant aussi, il y a des gens de Bid'a aujourd'hui parmi les Khawarij qui essaient d'accuser certains de nos imams, hein, parmi les grands ulama de la da'wa salafia, et ils essaient de les accuser d'être des Murji'a, hein. Et juste pourquoi ils les déclarent Murji'a, parce qu'ils refusent de faire le takfir des hukam et le takfir des musulmans qui font des grands péchés. Donc ces gens-là qui prétendent ça et qui accusent nos ulama d'être des murji'a, eh bien c'est des égarés, ce sont des khawarij. Et bien entendu, yani, leurs attaques contre les ulama d'Ahl Sunnah, yani, on n'en tient même pas compte non plus. Et les shuyukh et les ulama ont réfuté les accusations qui ont été faites contre notre cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, et également contre le cheikh Rabi. Maintenant ils sont en train d'essayer de l'accuser lui également d'être un mourdier, de même que le cheikh notre cheikh Ali Hassan Al-Halabi et Salim Al-Hilali, ils essaient de les accuser d'être des mourdia, alors que ces shuyukh là et ces imams là, ils sont tous d'accord avec la position d'Ahl Sunnati wal Jama'a qui dit que la foi c'est qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalb wa 'amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Donc ils disent tous ces articles là, une parole avec la langue, une croyance avec le cœur, une action avec le corps, elle augmente avec les obéissances et elle diminue avec le péché. Donc il n'y a aucun moyen de les accuser d'être parmi cette secte, puisqu'ils croient en tous ces articles-là. Et le fait que quelqu'un, par exemple, refuse de déclarer kafir la personne qui n'applique pas la salat, ne dit pas que la personne qui ne prie pas est un kafir, eh bien ça c'est une des positions parmi les positions des ulama d'Ahl Sunnah. Et donc on ne peut pas prétendre que la personne qui tient cette position-là est un murji. Hein? On sait que c'est jumhur al-ulama, la majorité des ulama des madhahib qui déclarent que la personne qui ne prie pas sans rejeter l'obligation de la salat, eh bien il n'est pas kafir selon la majorité des ulama. Et même selon l'imam Ahmed, hein, l'imam Ahmed ibn Hanbal, il a deux positions sur cette question là. Hein? Et si vous retournez même au livre d'Ibn Qudama, Al-Maqdisi dans Al-Mughni, eh ben, il fait, Ibn Qudama, il fait le tarjih de la position qui dit que le musulman qui ne fait pas la prière par paresse et qui ne rejette pas son, son obligation, eh ben, il fait la, le tarjih de la position de l'imam Ahmed qui dit qu'il n'est pas kafir. Donc, encore là, c'est pour réfuter les gens qui prétendent ou qui essaient d'accuser nos ulama d'être des murji'a. Et on sait que Safar al-Hawali, un des sururiyan en Arabie Saoudite, il a fait une grosse fitna avec ce sujet-là lorsqu'il a sorti sa thèse de doctorat qui s'appelle Zahiratul Irja, hein, le phénomène de l'Irja. Et il a essayé d'accuser Cheikh al-Albani dans, son, dans cette thèse-là d'être un murji'a. Et bien entendu, il a été réfuté par le Cheikh et par ses élèves et par les ulama d'Ahl Sunnah, Cheikh Mohamed Aman et beaucoup d'autres parmi les imams d'Ahl Sunnah et As-Salafiyya. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Hein? Donc, ça, c'est une chose qui est très importante à comprendre. Après, le Cheikh, il dit, Fa'iza aradta, أن يزيد إيمانك فعليك بالطاعات فذكر الله يزيد في الإيمان وسماع القرآن يزيد في الإيمان قال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وقال تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. Donc le cheikh il dit que plus que tu augmentes dans tes actions, hein, et dans ton obéissance, et ben plus que tes actions, yani plus que ta foi augmente, plus tu augmentes ton obéissance et plus ta foi augmente. Et à chaque fois que tu fais des péchés, plus que tu en fais, et ben plus que ça fait baisser ta foi. Donc si tu veux savoir si ta foi a augmenté ou si tu veux que ta foi augmente, eh ben fais des actes d'obéissance et obéis à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple lire le cheikh dit que de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait augmenter ta foi. D'écouter le Coran, ça augmente la foi. Comme le cheikh il mentionne un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: les croyants sont ceux que lorsque on leur mentionne Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur frémisse. Et lorsqu'on leur récite ces versets, ça augmente leur foi. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Donc ça augmente leur iman. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Et ils mettent leur confiance sur leur Seigneur. وقال تعالى يعني يا الله سبحانه وتعالى الشيخ يمنشن ان اوتر فيرسيه كي دي dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit que Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui sont guidés il leur augmente leur guidance, hein. وقال تعالى ويزداد الذين امنوا ايمانا فدل على ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. Donc le cheikh il dit que ça prouve que la foi ça augmente. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Surat al-Muddathir, verset 31, pour augmenter la foi des gens qui ont cru. Pour que les gens qui ont cru augmentent en foi. D'accord? Et donc le cheikh il dit ça prouve que la foi augmente avec l'obéissance et diminue avec les péchés. Ouais. Après il dit كلما عصى الانسان ربه نقص ايمانه حتى ربما ادى ذلك الى ان يكون ايمانه ضعيفا جدا يكون ايمانه مثقال ذره او اقل ويضعف الايمان حتى يكون قريبا من الكفر. Donc le cheikh il dit que chaque fois qu'une personne désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, sa foi diminue. Et il dit que peut-être même que quelqu'un même peut arriver à avoir une foi faible à un tel point Yani à force de faire des péchés, sa foi peut devenir tellement faible qu'elle devient pas plus que le poids d'un atome, ou même plus petit que ça. Et elle peut devenir faible jusqu'à atteindre même un état ou un niveau très très près de la mécréance. Qariban min al-kufr. Il dit le cheikh, comme قال تعالى هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ça c'est un verset dans Ali Imran, le verset 167. Donc ça prouve que quelqu'un peut être très près de la mécréance. Le cheikh il dit ensuite فالمعاصي تنقص فالمعاصي تنقص الايمان فمن خاف على ايمانه من النقص تجنب المعاصي. Donc le cheikh dit que les péchés diminuent la foi. Donc celui qui a peur que sa foi diminue, qu'il évite les péchés. والا فليعلم انها كلها على حساب الايمان. كلما عمل معصية فإنه ينقص إيمانه بذلك حتى ربما لا يبقى منه إلا القليل بل ربما يزول بالكلية لأن بعض المعاصي يزيل الإيمان بالكلية ولا يبقى معه إيمان مثل الشرك بالله عز وجل والكفر به وترك الصلاة هذا يزيل الإيمان بالكلية هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. Donc le cheikh il dit que lorsque tu fais des péchés, yani ta foi baisse, donc sache que si tu fais yani des péchés, eh ben c'est toujours au compte de ta religion, au compte de ta foi, c'est-à-dire tout ça, ça va tomber sur ta foi, ça va faire en sorte que ta foi va diminuer. Et chaque fois que tu vas faire un péché, ta foi peut baisser et devenir de plus en plus petite, plus en plus faible, jusqu'à ce qu'il en reste juste un petit peu de ta foi. Et même qu'elle peut disparaître ou partir en entier. C'est-à-dire qu'il ne te restera plus du tout de foi après avoir fait certains péchés, parce que le cheikh dit que certains d'entre les péchés annulent complètement la totalité de la foi, et avec certains de ces péchés là eh ben il ne reste plus aucune foi, comme par exemple le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et également le kufr, où le cheikh il mentionne l'abandon de la salat, et il dit que ça annule complètement la foi en entier, et il dit que ça c'est la foi selon Ahl Sunnah wal Jama'ah. Bien entendu, comme j'ai mentionné tout à l'heure au sujet de la salat, c'est vrai que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que c'est la distinction entre le kufr et le shirk, et que c'est l'abandon de la prière qui distingue le croyant, la croyance et la mécréance, et entre une personne et la mécréance il y a la salat, ou bien que le pacte qui est entre nous et eux c'est la salat, alors celui qui l'abandonne il a mécru, العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. Donc ça c'est une des positions parmi les ulama qui prétendent que celui qui laisse la salat il est kafir, mais comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est pas la position de la majorité des ulama. Et puis il y a une différence d'opinion à ce sujet-là. Sauf que lorsque tu veux mentionner à quelqu'un et l'inciter à faire la salat, tu peux lui mentionner ce hadith sans rentrer dans les détails des différences d'opinion, et juste lui expliquer à cette personne yani le hadith dans le but de lui faire peur, yani pour qu'il réalise la gravité du fait d'abandonner la salat, et pour qu'il revienne, et pour qu'il revienne. Ensuite le cheikh il dit arkan al-iman. Al-iman lahu arkan, yani da'aim wa a'mida يقوم عليها لا يقوم بدونها. فإذا وجدت هذه أركان إذا وجدت هذه الأركان وهذه الدعائم قام الإيمان وبهذه الأركان وهذه دعائم قام الإيمان. Donc il dit que la foi elle est basée sur des piliers, et les piliers c'est comme des, on sait ce que sont les des piliers. Et ben ces piliers là c'est là-dessus que la foi est établie, et la foi ne peut pas rester sans ces piliers là. Et donc quand ces piliers là sont présents, et ben la foi peut être ferme et solide. إيه لشيخ الزي وهذه الأركان بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل قال أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Donc le cheikh il dit que ces piliers là de la foi, le prophète صلى الله عليه وسلم les a expliqués dans le hadith de Jibril. Hein, le hadith bien connu, dans lequel quand Jibril a dit informe-moi ou renseigne-moi sur la foi, l'iman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en disant la foi c'est que tu crois en Allah et en ses anges et en ses livres et en ses messagers et au jour dernier, et que tu crois en al-qadar, en bien et en mal, dans le bien et dans le mal qu'il y a dedans. Donc ça c'est les six piliers de la foi. Il dit هذه أركان الإيمان وهي ستة أركان. الركن الأول الإيمان بالله وهذا يشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة. فلا يصح الإيمان بالله إلا باعتقاد أنواع التوحيد الثلاثة. Donc le cheikh il dit que le premier pilier c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et il comprend le tawhid et ses trois catégories comme on les a déjà expliquées. Et donc le cheikh il dit que la foi n'est pas valable, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas valable excepté si une personne a cru en ces trois catégories de tawhid. D'accord, c'est comme trois conditions dans le tawhid pour que notre foi en Allah soit valable. Si quelqu'un ne les a pas respectés ou les a pas acceptés, eh ben il n'est pas un mu'min. Il n'est pas considéré comme étant un mu'min, même s'il prétend croire en Dieu ou même s'il prétend croire en un Dieu unique. Il faut qu'il accepte ces trois catégories-là de tawhid. الركن الثاني الإيمان بالملائكة. فتؤمن بأن الله بأن لله ملائكة خلقهم لعبادته وخلقهم لتنفيذ أوامره في مخلوقاته، منهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالفطر بالقطر والنبات، ومنهم موكل بالنفخ في الصور، ومنهم الموكل بقبض الأرواح عند الممات، ومنهم الموكل بالأجنة في البطون. Donc le cheikh il dit que il faut croire aux anges. Hein, et de croire que Allah subhanahu wa ta'ala les a créés dans le but qu'il l'adore, que ces anges-là adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés aussi également dans le but d'exécuter, dans le but qu'ils exécutent ses ordres et ses commandements dans sa création. Et parmi les anges, il y en a qui sont, c'est-à-dire il y en a certains anges auquel Allah subhanahu wa ta'ala a donné la tâche de transmettre la révélation, comme Jibril. Et il y en a d'autres anges également qui s'occupent des gouttes et des graines, des plantes et des choses de ce genre. Et parmi les anges, il y en a qui s'occupent de souffler, il y en a un qui a comme tâche de souffler dans la trompe pour le jugement dernier. Il y en a d'autres qui ont comme responsabilité ou comme tâche de prendre les âmes des morts lorsqu'ils meurent. Et il y en a d'autres parmi les anges qui doivent, leur travail ou leur tâche, c'est de s'occuper du fœtus lorsqu'il est dans le ventre de la mère, le fœtus, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Ibn Mas'ud a dit, Ibn Mas'ud il mentionne dans un hadith qui est muttafaq alayh, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il dit inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Donc le cheikh il mentionne ce hadith qui est bien connu, qui dit que votre création, la création d'un d'entre vous est rassemblée dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de nutfa. Et puis ensuite il va être une alaqa pendant le même nombre de jours, pendant le même nombre de jours, 40 jours. Puis ensuite il va être une mudra pendant le même nombre de jours. D'accord? Donc ça c'est différents stades du fœtus, comme quand il se développe. Et donc le total de ça, ça fait 120 jours. Donc après 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange. Et cet ange-là est chargé d'écrire quatre choses. Il est chargé d'écrire sa subsistance, il est chargé d'écrire son terme, c'est-à-dire la fin de sa vie, il est chargé d'écrire son action, amalihi, et il est chargé d'écrire est-ce qu'il sera heureux ou malheureux, shaqiyun ou sa'id, c'est-à-dire sa destination dans l'au-delà. Naam. Donc le cheikh il dit ensuite wa min al-mala'ika naw'un muwakkalun bi hifz a'mal bani adam kama qala ta'ala wa inna 'alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Donc le cheikh il dit qu'il y a une autre catégorie d'anges, et cette catégorie là ils ont comme responsabilité et comme tâche de prendre en note et de garder toutes les actions des fils d'Adam, c'est-à-dire tout qu'est-ce que on peut faire comme action, et ben ces anges-là ils le prennent et ils le marquent et l'écrivent. Et ils mentionnent comme preuve de ça deux versets ou trois versets dans sourate Al-Infitar, du verset 10 à 12, qui dit et il y a sur vous certes des gardiens qui kiraman katibin, des nobles scribes, et ils savent ce que vous faites. Et le cheikh il dit يحفظون علينا أعمالنا وخيرها وشرها. Ils préservent pour nous nos œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. قال تعالى, c'est-à-dire ils les prennent en note, qu'elles soient mauvaises ou qu'elles soient bonnes. Et Allah سبحانه وتعالى dit ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. C'est-à-dire il prononce pas une parole excepté que près de lui il y ait quelqu'un de proche qui marque et qui écrit tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. Tabi'una l'ibn Adam. C'est-à-dire ils suivent Ibn Adam. C'est-à-dire ils suivent les fils d'Adam, c'est-à-dire les êtres humains. Ils sont avec eux partout où ils vont. Il y en a un ange à droite et un ange à gauche. Et ces deux anges-là, ils écrivent qu'est-ce que la personne dit et qu'est-ce que la personne fait. يَكْتُبُونَ مَا يَسْدُرُ مِنْهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ قَسْدٍ أَوْ نِيَّةٍ. Et le cheikh, il rajoute également comme intention et donc il rajoute également l'intention. Donc ça veut dire que, selon ce que le cheikh il explique, il dit que ces anges-là suivent l'être humain, ils écrivent ce que cette personne-là dit ou fait, et également qu'est-ce qu'il a comme intention et comme but. يَتَعَقَبُونَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. Ils se relaient les uns les autres le jour et la nuit. Malaikatun yanziluna wa yulazimuna yulazimun ibn Adam fi al-layl min salat al-asr ila salat al-fajr wa yanzilu malaikatun akharuna min salat al-fajr ila salat al-asr wa yajtami'u malaikatu al-layl wa malaikatu an-nahar في صلاة الفجر ويحضرون كما قال تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. Donc le cheikh il dit que ils se relaient les anges de la nuit et les anges du jour. Donc les anges descendent et ils suivent le fils d'Adam dans la nuit, et ça veut dire de la prière de l'Asr jusqu'à la prière de Fajr. Donc ces anges-là descendent, ça c'est pour les anges de la nuit. Ensuite, d'autres anges arrivent à partir de la prière de Fajr jusqu'à la prière de Asr, et ils se réunissent avec les anges, c'est-à-dire les anges de la nuit se réunissent avec les anges du jour pour la salat de Fajr et ils sont présents à cette prière-là. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 78 de Surat al-Isra, que la récitation de la prière de Fajr, elle est assistée, c'est-à-dire les anges assistent à cette récitation-là. Subhanallah. Donc, « يَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاتِ الْعَصْرِ وَيَشْهَدُونَهَا مَعَ الْمُسْلِمِينَ » Donc, ils se réunissent pour la prière de Asr également, et ils témoignent, c'est-à-dire ils sont témoins avec les musulmans de cette prière-là. « وَيَجْتَمِعُونَ » يجتمعون في صلاة العصر ويشهدونها مع المسلمين ولذلك صار لهاتين الصلاتين العظيمتين مزية عظيمة على غيرهما من الصلوات. Il dit que c'est pour cette raison-là que pour ces deux prières il y a une très très très grande particularité par rapport aux autres prières en dehors de ces prières-là, c'est-à-dire al-asr wal-fajr wal-asr. Après le Cheikh il dit وَمِنْهُمْ مَلَائِكَةٌ مُوَكَّلُونَ بِالْجَنَّةِ لِتَنْفِيذِ مَا يَأْمُرُهُمُ اللَّهِ فِيهَا مِنْ غَرْسِ الْأَشْجَارِ وَخِدْمَةِ أَهْلِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. Donc le Cheikh il dit qu'il y a des anges qui ont comme responsabilité on leur a donné comme charge de s'occuper du paradis et ils sont commandés par Allah subhanahu wa ta'ala de planter les arbres, de faire pousser les arbres et de servir les habitants du paradis. Et également le Cheikh dit wa mala'ikatun muwakkaluna bin nar, et il y a des anges qui sont ils doivent s'occuper de l'enfer. Wa hum khazanatuha wa malikun ra'isuhum ra'isul khazana. Donc les anges, il y en a qui ont pour tâche de veiller sur l'enfer ou de s'occuper de l'enfer et de veiller à ceux qui de surveiller ceux qui sont à l'intérieur, etc. Et un parmi ces anges là qui est leur chef, c'est Malik. Malik c'est le chef parmi c'est les Khazana. On les appelle en arabe al-Khazana. C'est comme les gardiens de l'enfer. Et puis le fait que ce soit les gardiens de l'enfer, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvais anges comme certains croient qu'il y a des bons anges et il y a des mauvais anges. Hein, souvent on voit ça parfois dans les films que font les koufars, Allah al-Musta'an, tu vois un ange à droite qui apparaît, puis là il y a un ange à gauche, il y en a un qui est bon puis un qui est mauvais, ou des choses comme ça. Et en fait il faut comprendre que tous les anges sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne peuvent pas lui désobéir d'aucune façon, d'accord. Donc les anges sont créés sans, comme on dit souvent, sans libre arbitre, c'est-à-dire ils peuvent pas décider de le désobéir. Ils sont créés de lumière et ils peuvent pas désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tous les anges d'Allah sont des bons anges. وَمِنْهُمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ. Les gens qui, il y a parmi les anges également ceux qui ont la responsabilité de tenir l'arche, de tenir le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. والذين حول العرش هؤلاء من ملائكة من الملائكة أيضا فالملائكة أصناف. Donc le cheikh il dit que il y a des anges qui supportent l'arche. الذين يحملون العرش ومن حوله. Et il y a des anges autour, qui tournent autour du trône. Donc il y a les anges qui tiennent l'arche et il y a les anges qui tournent autour ou qui sont autour. Et bien entendu, les anges et le trône et tout ça, c'est des créatures d'Allah, et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Ar-Rahman ala al-arshi istawa. كما يليق بجلاله, comme ça convient à sa majesté, et ليس كمثله شيء, rien ne lui ressemble, mais on affirme les attributs tels qu'il se les est attribués. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun besoin du arche, et c'est pas l'arche qui supporte Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui supporte l'arche et toute la création, d'accord. Donc alhamdulillah, ça c'est la croyance de Ahl Sunnati wal Jama'a au sujet des noms et des attributs. Après, le cheikh il continue en expliquant la foi en les anges et il dit: وَالسَّمَاوَاتُ مَمْلُوَاتٌ بِالْمَلَائِكَةِ يَنْزِلُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ لِتَنْفِيذِ أَوَامِرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Le ciel, le cheikh dit que le ciel est rempli d'anges et ils descendent avec le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala pour exécuter ses ordres sur la terre. D'accord? Les ordres, les commandements d'Allah. Après, le cheikh il dit: فَيَجِبُ الْإِيمَانُ بِالْمَلَائِكَةِ وَمَنْ جَحَدَ الْمَلَائِكَةَ فَإِنَّهُ كَافِرُ لأنه جحد ركنا من أركان الإيمان وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة. Donc le cheikh il dit qu'il est obligatoire de croire aux anges, et celui qui refuse ou qui rejette la foi en les anges est un kafir, car il a rejeté un des piliers parmi les piliers de la foi, et ça c'est une chose qui est connue dans la religion comme par nécessité. Hein, c'est connu de la religion par nécessité, tellement que c'est clair. Après, le cheikh il dit: وفي الإيمان بالملائكة فائدة للإنسان وهي أن يتحفظ منهم ويحسن القول والعمل لأنهم يسجلون عليه ويحفظون عليه ما يصدر عنه فعليه أن يستحي منهم أن يستحي منهم. Le cheikh dit que parmi les bienfaits de la foi en les anges pour l'être humain, il y a le fait que on doit se préserver d'eux par nos paroles et par nos actions, parce qu'ils écrivent tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit. Donc il faut avoir honte, hein, parce qu'on croit en leur présence. D'accord? Fal yatajannab al munkarat. Il faut donc s'éloigner et se détourner des mauvaises choses. ويتجنب إدخال الكلب أو الصورة في بيته. Et il faut donc aussi également éviter de faire entrer dans notre maison un chien ou des images, hein, des photos. Et ça c'est un fléau actuellement, Allah al-Musta'an. Et il y en a des musulmans qui laissent des images, des photos de leurs proches, de leur famille dans leur maison. Et ça c'est haram. C'est haram, sérieusement. Et il y en a qui pensent que les photos qui sont faites par des caméras, que ce soit digitales ou que ce soit des photographiques, des caméras de photographie ordinaires, eh bien tout ça, ça rentre dans l'interdiction. Et les ulama, ils ont clarifié ça, comme le Cheikh Ibn Baz et beaucoup d'autres, Cheikh Al-Albani et la plupart des grands ulama, ils disent que de faire des photos avec une caméra, c'est pas plus différent que de faire une photo avec la main ou en dessinant ou en faisant une sorte d'image quelconque, parce que le but est le même et le résultat est le même à la fin, c'est que tu as une image, hein, et si tu fais l'image, les gens peuvent l'utiliser toujours pour commettre le shirk et pour vénérer ou glorifier certaines parmi les créatures, comme c'est le cas avec certains soufis, hein, par exemple, qui se promènent avec la photo de leur cheikh dans leur cou ou dans leur portefeuille, hein, et ils vénèrent et ils exaltent ces photos-là. Donc le fait que ce soit une photographie faite avec un appareil photo, ça diminue pas le fait que quelqu'un peut faire le cheikh avec ces images-là. Et si vous regardez même les gens de Bid'a et les gens de Kufr, comme par exemple les Rafida, et vous regardez leur attitude et comment ils font avec les photos, et ils sont toujours en train de se promener avec les images, vous les voyez dans leurs manifestations et tout, avec les photos de leur shuyukh et de leur dajjalin, yani de leur shayatin, ils font leurs images et ils les mettent partout dans la rue et tout ça. Et ça, c'est clair que c'est haram. D'accord? Bien entendu, tout ce qui est des photos de choses haram sont également haram, mais les photos de choses même qui sont halal, comme des êtres humains, même s'ils sont bien habillés, tout ça, ça rentre dans l'interdiction. Tout ce qui a un âme, hein, et donc il y en a parmi les gens déviés actuellement qui ont essayé de permettre les photos, ils ont essayé de rendre ça halal, hein, Et Qardawi, dans son livre Al-Halal al-Haram, il essaie de prétendre que c'est uniquement les photos en trois dimensions qui sont interdites, c'est-à-dire les statues, mais yani, bien entendu, ça c'est réfuté par les hadiths qui prouvent clairement l'interdiction des photos, même si c'est dessiné ou en deux dimensions. Donc il n'y a pas de raison de permettre quoi que ce soit des photos, excepté pour une nécessité, comme par exemple une carte d'identification ou un passeport ou des choses de ce genre, un permis de conduire. Les ulama ont dit que ça rentre dans ad-darura, ça rentre dans la nécessité, mais sinon en dehors de ça, c'est pas permis. Et c'est dommage que de voir que dans des sites soi-disant islamiques, vous rentrez et puis vous trouvez des photos. Et ça devient même un signe distinctif entre les sites des gens qui sont salafis, qui suivent la sunna, et les sites des gens de bid'ah, parce que vous voyez toujours dans leurs sites des photos et des images des personnes, tandis que dans les sites salafis, il n'y a jamais d'image de personne. Alhamdulillah. Donc ça, c'est une chose à prendre en considération lorsque vous rentrez dans un site. Regardez, si vous voyez des photos, tout de suite vous pouvez mettre un point d'interrogation sur ce site. Quand je parle des photos, c'est-à-dire des photos avec des êtres humains dessus et dont on voit le visage, etc. Hein? Donc ça, tout de suite, vous voyez une photo d'une personne, peu importe qui il est, et vous savez que c'est une personne qui a un problème déjà dans son manhaj et tout. Après, donc c'était juste pour mentionner qu'il ne faut pas rentrer avec des chiens, parce qu'on sait que les chiens également c'est haram. Il y en a qui ont des petits chiens et ils rentrent dans leur maison. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis uniquement de rentrer d'avoir un chien pour, par exemple, que ce soit un chien de garde pour préserver un terrain, ou bien pour garder le troupeau comme le chien berger, ou bien un chien de chasse. Et ça, c'est les chiens qui sont permis, qu'on a le droit de posséder dans ce but-là, de soit un chien de garde ou un chien, mais on les rentre pas dans la maison, hein, on les rentre pas dans la maison. Et puis celui qui garde un chien juste comme un chien de compagnie, là, comme ils appellent un chien de compagnon, eh ben pour ce genre de chien-là, ben il y a ceux qui font ça, ils ont une grande punition de faire ça, parce que chaque jour on leur enlève une grosse quantité de hasanat, équivalent à des montagnes, de hasanat. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut faire attention et éviter d'avoir des chiens sans que ce soit dans les limites permises et aller dans l'islam. Ensuite, le cheikh, il dit que les malaïka, il dit que pourquoi c'est, il faut éviter ça. Il dit لأن الملائكة أي ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سورة. Donc il dit la raison pour ça, c'est comme dans un hadith rapporté selon Abu Talha, un hadith authentique, muttafaq alayh, dans Al-Bukhari et Muslim, qui dit que les anges, ils n'entrent pas dans une maison où il y a des chiens et des images. Donc il ne faut pas avoir c'est-à-dire, ils ne rentrent pas dans une maison où il y a des chiens et des images. Donc il ne faut pas avoir ces choses-là dans notre maison si on veut que les anges puissent rentrer, c'est-à-dire les anges de la miséricorde. Voilà, il y a juste les musulmans, un yaf à la. كما يفعل الغربيون والمتشبهون بهم من اتخاذ الكلاب في البيوت لأن هذا يسبب ابتعاد الملائكة عن بيته. Il dit faut pas faire, c'est pas permis pour les musulmans de faire comme les occidentaux et ceux qui veulent les imiter parmi les musulmans. On n'a pas le droit de les imiter et de prendre des chiens dans nos maisons, parce que ça amène les anges à s'éloigner de nos maisons. Et on sait que les chiens, de plus, lorsqu'ils vont dehors, ben ils marchent dans des impuretés et tout, puis ils rentrent ça dans la maison, puis on sait que leur salive est najis, hein, leur salive est impure. Donc de garder des animaux comme ça dans nos maisons, c'est haram. Après, le cheikh il dit ar-ruknu thalith, le troisième pilier, الإيمان بكتاب بكتب الله المنزلة كما قال تعالى وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. نعم. Donc le troisième pilier, c'est la foi aux livres, en les livres qu'Allah a révélés. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et dans sourate Shura verset 15, il dit je crois en ce qu'Allah a fait descendre comme livre. Hein, « Ey, jami' al-kutub », c'est-à-dire je dois croire en tous les livres révélés. « Ma samma Allahu minha, kat-tawra, wal-injil, wal-zabur, wa-suhuf Ibrahim, wa Musa, wal-Qur'an, wa huwa azamuha, wa ma lam yusammi Allah minha, fatu'min bi jami' ma anzal Allah min al-kutub, wa la yatimmu iman al-abd, ma'a juhdiha wa inkariha. » Donc le cheikh il dit que il faut croire en tous les livres qu'Allah a mentionnés, que ce soit la Torah, hein, la l'Injil, le Zabour et les feuilles d'Ibrahim, Suhuf Ibrahim et de Moussa, et le Coran, et ça c'est le plus grand. C'est-à-dire le Coran c'est le plus grand parmi les livres envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut également croire en les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionnés. Donc il faut croire en tous les livres que Allah a fait révéler, et la foi d'un serviteur ou la foi d'un être humain ne peut pas être complète tant qu'il n'a pas cru en ça. Et s'il a rejeté ou nié quoi que ce soit de ces révélations-là, même un verset ou un mot, eh ben il est pas croyant, sa foi n'est pas complète. Et une chose en passant également, c'est que la Torah ou l'Injil, la Torah et l'Évangile qui a été révélé à Moïse et à Issa, et bien ces livres-là, ils ne sont pas restés dans leur état original. Et donc c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que le livre que les chrétiens possèdent aujourd'hui, c'est le même que Moïse et Issa ont reçu à leur époque. D'accord ? Donc ça c'est très important de comprendre ça. Après, le cheikh il dit, الركن الرابع, le quatrième pilier, c'est الإيمان بجميع الرسل, عليهم الصلاة والسلام من أولهم إلى آخرهم, ومن سمى الله في القرآن والسنة. Donc le cheikh il dit que le quatrième pilier c'est de croire en tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et du premier au dernier, ceux qu'il a mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. وَمَنْ لَمْ يُسَمِّ مِنْهُمْ, et même ceux qu'il n'a pas mentionné. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ, et nous ne faisons aucune distinction entre eux. وَمَنْ جَحَدَ نَبِيًا وَاحِدًا فَإِنَّهُ كَافِرٌ بِالْجَمِيعِ. Donc le cheikh il dit que celui qui nie, hein, ou qui refuse de croire ou qui rejette un seul parmi les messagers, il est mécréant en tous les messagers. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre, que si quelqu'un en rejette un seul, c'est comme s'il les a tous reniés. Le cheikh il dit ensuite, والرسل هم الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ الشرائع والأوامر والنواهي والدعوة إلى الله عز وجل. Donc il dit que les messagers sont les intermédiaires entre Allah et sa création dans la transmission des messages, des commandements et des interdictions, et dans la da'wa à Allah subhanahu wa ta'ala, l'appel vers Allah. Et là il faut en même temps clarifier ou mentionner que l'intercession ou l'intermédiaire qui est entre nous et Allah, ce sont les messagers, mais ça c'est uniquement dans la transmission des commandements d'Allah et non pas dans l'adoration, hein. Donc lorsque Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à l'humanité, il utilise comme intermédiaire des messagers et des prophètes, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala quand nous les êtres humains on s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit y avoir aucun intermédiaire, on doit s'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala directement sans aucun intermédiaire. Et c'est ça qui fait la distinction entre nous et les kuffars et les mushrikins, comme par exemple les chrétiens et les autres qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah dans l'adoration quand ils veulent prier. Et ça c'est shirk billah. Après le cinquième pilier, le cheikh dit والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر يوم القيامة يوم البعث ويوم يعيد الله الخلائق. جميعا كما خلقهم أول مرة ويحشرهم جميعا في مكان واحد من أولهم إلى آخرهم يحاسبهم على أعمالهم وتخرج لهم كتبهم التي كتبت عليهم في الدنيا فالمؤمن يعطى كتابه بيمينه والكافر يعطى كتابه بشماله وراء ظهره والعياذ بالله إهانة له. Donc le cheikh il dit que le cinquième pilier c'est de croire au jour dernier et au jour de la résurrection et au jour de du rassemblement, hein. Et le cheikh il dit que c'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala va ramener toutes les créatures comme il les a créées la première fois, kama khalaqahum awwala marra, et il va les rassembler tous ensemble dans un seul et unique endroit, du premier au dernier, et ils seront tous jugés selon leurs actions. On va leur demander des comptes ce jour-là, et on va leur faire sortir un livre, et c'est le livre de qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette dunya. Donc le mu'min, on va lui donner son livre par la main droite, tandis que le kafir, on va lui donner son livre avec, par la main gauche, derrière son dos, et que Allah nous en protège, et il va lui donner par la main gauche et par son dos, dans le but de l'humilier et de le rabaisser. D'accord? Il dit le cheikh par la suite que tout ça, كل هذا وغيره مما يكون في اليوم الآخر من وزن الأعمال ومن الحوض والصراط والجنة والنار كل ما أخبر الله تعالى به أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون في اليوم الآخر فالإيمان به ركن ولا يكون العبد مؤمنا مع التكذيب به. Donc le cheikh dit que tout ça qu'on a mentionné et d'autres choses encore font partie de qu'est-ce qu'on ça fait partie du jour dernier. Et par exemple le fait que Allah subhanahu wa ta'ala va prendre le poids de nos actions sur une balance al-mizan, et il y a également le fait qu'il y a un bassin al-hawd, un bassin au jugement dernier dont les croyants vont boire de son breuvage, hein, une boisson qui sera blanche comme le lait et plus sucré ou plus doux que le miel. Et il y a également As-Sirat, ce qui est un pont qui sera au-dessus de l'enfer, qui est plus effilé qu'un cheveu, plus effilé qu'une lame et plus fin qu'un cheveu. Et il y a également le paradis et l'enfer. Tout ça, c'est des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé dans son livre, et c'est obligatoire d'y croire, hein, de croire en ces informations-là et aux informations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis au sujet de ce jour dernier-là, et de croire en tout ça. Ça fait partie de ce pilier, et le serviteur n'est pas croyant il nie quoi que ce soit de ces choses-là. Après, le cheikh il dit ويدخل في ذلك ايضا ما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه. Donc il dit que également qu'est-ce qui rentre là-dedans, c'est qu'est-ce qu'il va avoir également après la mort dans la tombe, et dans soit le châtiment, hein, le azab, ou bien na'im, c'est-à-dire le délice de la tombe, ou bien les châtiments de la tombe. Wa ghayri dhalika mimma yakunu ba'da al-maut wa in ila an yastaqir ahl al-jannah fi al-jannah wa ahl an-nar fi an-nar, jusqu'à ce que les gens de l'enfer soient établis dans l'enfer et que les gens du paradis soient établis dans le paradis définitivement. Donc tout ça, ça fait partie des articles de la foi en al-ba'th, c'est-à-dire en al-yawm al-akhir, et ça fait partie des articles donc de la foi au jour dernier, et c'est obligatoire d'y croire pour que notre foi en ce pilier-là soit acceptée. Après il dit: فَمَنْ جَحَدَ الْبَعْثَ كَفَرَ بِاللَّهِ. celui qui rejette al-ba'th, c'est-à-dire la résurrection, eh bien, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. وكذلك من أنكر ما ثبت بالضرورة من أهل من أمور الآخرة فإنه يكون كافرا فمن أنكر الجنة أو النار ومن أنكر الحساب أو إعطاء الصحائف أو أنكر وزن الأعمال فهو كافر فلا بد من الإيمان باليوم الآخر بكل وبكل ما يجري فيه مما صح الخبر به عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que quiconque rejette la foi en al-ba'th a mécru en Allah, parce que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate At-Taghabun le verset 7, ceux qui ont mécru croient ou pensent qu'ils ne seront pas ressuscités. Et il dit également, celui qui rejette quelque chose parmi les choses nécessaires pour avoir la foi en al-akhirah, c'est-à-dire l'au-delà, celui qui rejette ça, il est kafir. Et celui qui rejette par exemple le paradis ou l'enfer, ou qui rejette par exemple les comptes, ou le fait qu'on va nous donner nos livres, etc., ou qui rejette le fait que nos actions seront pesées, tout ça, celui qui rejette ça, il est kafir. Et il faut absolument croire au jour dernier et en tout ce qui va arriver ce jour-là pour que yani, notre foi soit valable. Parmi les choses que Allah nous a informées et également parmi les choses que yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné à ce sujet-là. Puis pour terminer, le dernier pilier de la foi, al-rukn al-sadis, الإيمان بالقدر وهو أن كل ما يجري في هذا الكون من خير أو شر أو كفر أو إيمان أو مرض أو صحة أو غنى أو فقر أو شدة أو يسر فإنه بتقدير الله وعمله. Donc le sixième pilier c'est quoi? C'est de croire en la prédestination, al-qadar. C'est-à-dire, comme le cheikh il dit, que tout ce qui se produit dans cette création, que ce soit de bien ou de mal, de kufr ou de mécréance ou de croyance, ou de maladie ou de santé, ou de richesse ou de pauvreté, ou de difficulté ou de facilité, tout ça fonctionne par la, yani, tout ça fonctionne par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et par sa connaissance. فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتبه في اللوح المحفوظ وشاءه وخلقه وأوجده سبحانه وتعالى فلا بد أن تؤمن بهذه الدرجات الأربعة. Donc il dit le cheikh que il faut croire que Allah سبحانه وتعالى a su toutes choses, qu'il l'a écrit dans al-lawh al-mahfouz, dans les tables bien préservées, et qu'il l'a voulu, sha'ahu. Et également, le cheikh il dit comme dernier point, qu'il a tout créé, que ce qui existe, c'est lui qui l'a créé, et il n'y a pas d'autre créateur en dehors de lui. Fala buddha an tu'mina bihadihi darajat. Il faut absolument que tu crois en ces quatre degrés-là, qu'on vient de mentionner. Que c'est quatre degrés ou quatre conditions pour que notre foi en al-qadar soit valable. Al-ilm sabiq min Allah jalla wa ala bi kulli ma kana wa ma yakun. Il faut avoir, il faut croire que Allah subhanahu wa ta'ala avait la connaissance précédente de toute chose qui se produit dans l'univers. Après il dit كتابة ذلك كله في اللوح المحفوظ. Une fois qu'il l'a, c'est-à-dire il a su tout, et ensuite il a tout écrit. Il a tout écrit qu'est-ce qui allait arriver par la suite dans Al-Lawh al-Mahfouz. Dans la création, il a écrit tout ça 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Troisième condition, Al-Mashi'a. C'est-à-dire Mashi'atullah li kulli ma yajri wa ma yaqa' wa annahu la yaqa'u shay'un illa bi mashi'atillah. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a sa volonté, et cette volonté-là, elle affecte, ou elle atteint toute chose, et il n'y a rien qui peut être exempté de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut se produire dans cet univers, excepté que c'est par ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Hein? Rien ne peut sortir de sa volonté. Tout ce qui se produit est selon sa volonté. Après, la quatrième chose qu'il a mentionnée comme condition ou comme degré de qadar, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, لأن الله جل وعلا خلق كل شيء. Il a créé toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala a créé toute chose. Allahu khaliq kulli shay wa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé, il a créé toute chose, comme il dit dans le verset de sourate Az-Zumar qu'il a créé, il est le créateur de toute chose, le verset 62, et il dit également le verset 96 de sourate Saffat que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé et également ce qu'on fait. Donc il a créé ce qu'on fait également. Après, le cheikh il dit: فَمَنْ جَحَدَ الْقَدَرَ أَوْ جَحَدَ شَيْئًا مِنْ مَرَاتِبِ الْقَدَرِ فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا لِأَنَّهُ جَحَدَ رُكْنًا مِنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ السِّتَّةِ. Le cheikh il dit: celui qui rejette Al-Qadar ou qui rejette quelque chose des quatre degrés qu'on a mentionné, eh ben il n'a pas cru en Al-Qadar et il n'est pas mu'min, c'est-à-dire il est kafir parce qu'il a rejeté un des piliers parmi les six piliers de la foi. Et le cheikh il dit: wa hunak shu'abun ghayra hadhihi al-arkan tusamma shu'ab al-iman. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بدع وسبعون بدع وستون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان. الشيخ يذكر qu'il y a également des branches autre que ces piliers. En dehors des piliers, il y a également qu'est-ce qu'on appelle les branches de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi elle est c'est-à-dire 70 et quelques branches, il y a 70 et quelques branches ou 60 et quelques branches. A'laha, la plus haute de ces branches, c'est de dire la ilaha illallah, et la plus basse de ces branches, c'est de retirer une nuisance dans la rue ou sur le chemin. Et al-haya, la pudeur, c'est une branche parmi les branches de la foi. Le cheikh il dit: wa hadhihi ash-shu'ab takhtalifu min haythu ahammiyatiha fa minha ma yazulu al-iman bi الإيمان بزواله ومنها ما ينقص الإيمان بزواله. ولذلك عد العلماء الأعمال من الإيمان فقالوا في تعريفه عمل بالجوارح. Le cheikh il dit que ces branches là elles sont différentes par rapport à leur degré d'importance. Elles sont pas toutes au même niveau d'importance. Il y en a qui sont, comme le hadith le dit, il y a des branches qui sont plus hautes, et il y en a d'autres qui sont plus basses. Et il y en a que si tu les brises, ces branches-là, eh bien, ta foi, elle s'en va en entier, certaines d'entre ces branches-là. Et il y en a d'autres branches que, si tu les prends, ben ça va pas faire partir ta foi en entier, mais ça va uniquement la faire diminuer. Et c'est pour ça que, le cheikh dit que c'est pour ça que les ulama, ils mentionnent que les actions qu'on fait font partie de la foi, et ils ont mentionné comme définition, dans leur définition, que amal al-jawarih, c'est-à-dire les actions du corps, font partie de la foi à cause de, justement, de ce hadith-là, comme preuve, yani. Ça c'est une des preuves. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, et puis on continuera ce dars la semaine prochaine. Il y a d'autres détails que le chef va expliquer, très intéressant. Puis donc on continuera ce dars la semaine prochaine, inshallah, à 9h. Je ne sais pas si la semaine prochaine il y aura encore un dars par le chef Abdelmalek Ramadani ou non, mais je vais me renseigner durant la semaine. Ah oui, c'est vrai qu'en principe c'est demain le dars, c'est vrai, on fait un dars le samedi et le dimanche, donc ça devrait être demain à la même heure, à 9h. S'il y a un autre dars demain, je demanderai à certains frères qui ont mon email de m'envoyer les détails de ça, inshallah, pour me faire savoir l'horaire des autres cours, comme ça il n'y aura pas trop de conflits. Puis aussi j'aimerais savoir par rapport est-ce que ça convient bien pour vous le fait que le dars soit à cette heure-ci, 3h pour les gens de la France, puis 9h le matin ici. Donc pour moi il n'y a pas de problème, on a commencé le Ramadan, nous aujourd'hui on jeûne, mais bon, je sais qu'il y en a d'autres qui vont commencer demain, mais en tout cas bon, alhamdoulillah, yani, pour moi il n'y a pas d'inconvénient, si ça vous convient, donc alhamdoulillah, on va continuer, je ne sais pas à quelle heure vous faites l'iftar en France, mais je pense que ça convient pour vous quand même, parce que ça doit être environ entre Zohr et l'Asr, ou bien entre l'Asr et le Maghrib environ. Donc on va arrêter avec qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, puis أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بارك الله فيكم, يعني pour avoir écouté, et puis pour avoir, j'espère que vous avez profité. Et puis, alhamdoulilah, qu'Allah nous accepte cet effort qu'on fait pour lui et qu'il la rende sincère pour son visage. Et puis, barakallahu fikum, wa jazakumullahu khairan. À demain, inshallah, à 3h, 9h à Montréal. Et puis, on continue le même chapitre, inshallah. Assalamu alaikum.